Cette zone de travaux, la circulation est réglée par des piquets mobiles actionnés par les ouvriers qui travaillent sur ce chantier. Je suis tenu de suivre les indications données par le symbole affiché sur le piquet mobile à double face. Vert, je passe. Sens interdit, je dois m'arrêter. Ici, l'ouvrier me fait signe de m'arrêter. C'est au tour des usagers de l'autre côté de passer. Réponse B.